dragonflies appear. Dragonflies appear. Vous êtes sur Rage, c'est Exocet. Bienvenue Exocet, l'émission de l'étrange, du bizarre, du décalé, de l'étonnant, de l'inclassable et autres synonymes. Si vous nous avez écouté la semaine dernière, alors d'abord oui, je tiens quand même à présenter que Thomas est à mes côtés. Bonsoir tout le monde. Thomas qui ce soir vous présentera les infos insolites et à la technique, Sandrine. Bonsoir. Pour la deuxième semaine consécutive. Voilà, non mais c'est parce que j'ai bien écouté la théorie du tout la première fois, je veux la suite. Ah c'est clair, hein, ça accroche ce truc. Et j'espère que c'est votre cas aussi, puisque donc la semaine dernière, c'était la théorie du tout première partie. Donc on attaque la seconde partie. Alors je vais quand même résumer un petit peu. Donc la semaine dernière, on exposait le fait que l'univers est divisé en deux visions bien précises. Alors d'un côté, on a la théorie de la relativité, qui décrit les événements à l'échelle des planètes, à l'échelle de l'espace, et de l'autre côté, on a la mécanique quantique qui définit les éléments à l'échelle de l'atome. Et alors le problème, c'est que ces deux théories sont comme deux familles qui n'arrivent pas à s'entendre alors qu'elles définissent le même univers. Et il y a un problème. Et Einstein, le grand Albert, son objectif, son Graal, c'était de réussir à unifier ces deux théories-là. Et il est mort sans avoir pu y parvenir puisqu'il n'a jamais cru. Il n'a jamais cru à la mécanique quantique qui explique qu'à l'échelle des atomes, tout n'est que chaos, tout est hasardeux. Lui, il avait une vision de l'univers très lisse, très harmonieuse. Et il se trouve que donc, à l'échelle des atomes, c'est un petit peu le bordel. Donc Einstein n'a jamais voulu le tolérer. Il n'a jamais pris en compte la mécanique quantique dans ses calculs. Ce qui fait qu'il est mort sans avoir pu atteindre son but qui était l'unification ultime. Et là, il va falloir que je prenne mon souffle un petit peu. Oui, et pendant ce temps-là, moi, je vais vous préciser. Alors, il faut savoir que qu'Einstein a été quand même passé dans la catégorie, entre guillemets, des losers à la fin de sa carrière. C'est ce que tu précisais la semaine dernière. Donc, ça, truc, chose étonnante quand même, puisque, bon, pour tout le monde, au niveau humain, etc., on fait même des t-shirts avec la tête d'Albert Einstein. Donc, pour tout le monde, c'était quand même un demi-dieu. Et la semaine dernière, t'as tout démystifié et j'ai appris qu'en fait, à la fin, il était un peu caca et il réfléchissait plus comme il fallait. Il était plus en adéquation avec son temps. Quoi. Alors le truc, c'est que Einstein a quand même bouleversé la vision qu'on peut avoir de l'univers puisqu'il a expliqué la gravité, hein, et puis surtout donc il a découvert la théorie de la relativité qui explique le mécanisme des planètes. Et c'est déjà pas mal. Il a bouleversé notre vision du monde. Le truc, c'est que les jeunes scientifiques de l'époque, sur la fin de la carrière d'Einstein, le considéré un petit peu comme un has-been, effectivement, qui restait bloqué sur d'anciens concepts. Ça n'empêche pas qu'Einstein est le génie qu'on connaît. Sa réputation n'est pas usurpée, bien évidemment. Et je précisais aussi la semaine dernière qu'Einstein n'a pas inventé la bombe atomique. Contrairement à ce que veut l'idée reçue, hein, donc Einstein n'y est pour rien du tout. La confusion était née du fait qu'il avait envoyé une lettre à Roosevelt, si je ne m'abuse. Je crois bien que c'était à Roosevelt pour lui expliquer qu'il fallait absolument que l'Amérique développe la bombe atomique avant les nazis, sans quoi c'était la catastrophe, c'est tout. Oui, il a juste soutenu le projet en fait. Voilà, en réalité la bombe atomique, on a expliqué la semaine dernière que c'était les Français qui l'avaient inventé, hein, c'est nous qui avons le brevet de la bombe atomique. Et donc voilà, hein, ça c'est une fierté nationale qu'on oublie un petit peu, mais c'est la vérité. Donc on n'avait pas demandé de royalties après Hiroshima. Voilà, alors qu'on a inventé la bombe atomique. Voilà, une espèce de discrétion toute française. Voilà. Alors, comme un peu par honte, bizarrement. Voilà, donc, la semaine dernière, en gros, on expliquait ça. Que la quête absolue, le Graal des scientifiques actuellement, c'est la théorie absolue, la théorie qui unifierait la mécanique quantique et la relativité générale pour obtenir la clé de l'univers. Et donc, là, pour l'instant, les scientifiques, ils sont sur une piste qui est la théorie des cordes. Mais avant de revenir sur cette théorie des cordes, qui est la fameuse théorie du tout, on va partir de zéro, on va repartir du Big Bang, voilà. Donc là, on peut pas partir de plus loin que ça, hein, puisque voilà. Et donc, le Big Bang. Le Big Bang, tout le monde sait, hein, aujourd'hui, que c'est une immense explosion dans un minuscule volume qui est à l'origine de l'univers, et au cours des 14 milliards d'années qui ont suivi, l'univers s'est dilaté, et il s'est refroidi en donnant naissance aux planètes et aux étoiles. Mais on n'arrive pas à remonter plus loin que le Big Bang. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé juste avant, mais même pas un milliardième de seconde avant. Tout démarre à l'explosion, voilà. Point zéro, puis tout à coup explosion, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a avant. Et alors en fait, si on n'arrive pas à remonter infiniment petit, et celle de l'infiniment grand. C'est comme pour les trous noirs. J'ai expliqué la semaine dernière. Donc le Big Bang, c'est à la fois une masse infiniment lourde, puisqu'on a quand même tout l'univers dans un point minuscule, et donc en même temps... un volume infiniment petit, donc à l'échelle quantique, à l'échelle atomique, subatomique. Et donc là, pour essayer de comprendre ce qui se passait à cette échelle-là, et pour réussir à remonter plus loin, il faudrait qu'on ait une théorie qui unifie. Et c'est pour ça que la théorie des cordes a été mise au point, puisque le but, ça serait effectivement d'expliquer ce genre de phénomène inexplicable et finalement réussir à décoder l'univers dans son entièreté. Et donc l'idée, ça serait que de minuscules brins d'énergie en forme de cordes, donc, seraient et des cordes de violon, de violoncelle, et ils seraient à la base de tout, à la base de toute forme de matière, à la base de la réalité. Alors, la relativité voit l'espace comme une sorte de trampoline géant. Ça, c'est ce qu'Einstein a découvert. Là, c'est assez perturbant parce que on vit dans un univers en trois dimensions, mais pourtant, la relativité, c'est un petit peu comme si l'espace était courbé par les objets qu'il y a dedans. L'espace, très comme concrètement. Comme s'il était plan, en fait, et, voilà. que les masses avaient, on va dire, la forme même de l'espace. Alors, il faut réussir à le concevoir en trois dimensions. Comme tu disais la semaine dernière, comme si on posait une boule, par exemple, de pétanque au milieu d'un drap tendu. Voilà. Ben, ça ferait plier le drap dans son centre. Exactement. Mais ça, il faut les angles. Enfin, c'est voilà, un petit peu. Ça fout le vertige. Ouais. Et donc, voilà, c'est comme une sorte de trampoline géant que les étoiles et les planètes, que le soleil crée dans le tissu spatial pour tourner. Comme si on balançait une bille comme ça dans un puits et qu'elle tournait. Et donc, à l'échelle quantique, l'espace, il est très chaotique. C'est un vaste bordel qui est voué au hasard, qui est voué au chaos. Et l'univers logique et très prévisible qu'on connaît à grande échelle, il devient très agité, comme s'il s'agissait de deux univers totalement différents. Donc. Et le concept de droite, de gauche, de haut, de bas, d'avant et d'après disparaissent à l'échelle quantique. C'est-à-dire qu'une même particule peut se retrouver à deux endroits en même temps, elle peut arriver à un point avant même d'être partie, enfin, c'est très très délicat, et ça fout le vertige. Et c'était donc ce genre d'idée-là que Einstein refusait de toutes ses forces. Et la relativité, donc, décrit, elle, la gravité. Les trois autres forces, parce qu'il y a quatre forces fondamentales, on l'a vu la semaine dernière, c'est donc la gravité, et ensuite l'interaction forte, qui permet aux protons et aux neutrons de rester collés ensemble dans le noyau de l'atome. Ensuite, l'électromagnétisme, qui est donc la lumière, l'électricité et la force magnétique. Et enfin, l'interaction faible, qui permet aux particules élémentaires d'échanger de l'énergie en émettant des radiations. C'est ça qui est responsable des radiations atomiques quand une bombe atomique explose. Et donc, ces trois autres forces-là, elles sont décrites, elles, par la mécanique quantique. Et donc, un des buts, si ce n'est le but de l'unification, c'est de réussir à expliquer comment les quatre forces interagissent. Là, pour l'instant, on en a trois d'un côté et une de l'autre. Mais voilà, on n'arrive pas à les faire fusionner. Et alors, la fameuse théorie des cordes, cette grande théorie d'unification qui serait la clé de l'univers, elle naît en 1968. Et c'est un jeune physicien italien qui s'appelle Gabriello Veneziano. C'est joli. C'est un peu comme Rondo Veneziano, mais ça n'a rien à voir. Il aurait pu faire de la musique aussi. Il aurait pu, mais donc il a préféré faire des maths, finalement, ben voilà. Et de la physique. Et là, je pense que c'était une bonne idée sur ce coup, puisque donc en 1968, le jeune Gabriello Veneziano faisait des recherches. Il cherchait des équations qui expliqueraient l'interaction forte. Donc je le rappelle, l'interaction forte, la force, la glu qui colle les protons et les neutrons dans le noyau de l'atome. Puisque le noyau de l'atome, je le répète encore, c'est jamais qu'un amas de protons et de neutrons collés ensemble par donc cette fameuse interaction forte. Et donc le jeune Gabriello cherchait des équations pour expliquer ça. Et la légende dit, parce qu'il y a toujours un petit peu de la légende au milieu des grandes histoires qui font la science, la légende dit qu'un jour il ouvre un vieux livre de maths, vieux livre poussiéreux, et il tombe sur une équation écrite 200 ans auparavant, deux siècles auparavant, par un certain Leonhard Euler, qui était un mathématicien. Et Veneziano découvre donc que cette théorie oubliée depuis longtemps, qui était considérée comme une curiosité, comme une fantaisie, comme un jeu de l'esprit, eh bien, découvre que donc cette curiosité-là semble miraculeusement décrire une interaction forte, comme par miracle, comme si Euler s'était amusé à faire des équations tordues, et que par miracle c'était tombé sur la description même de ce qu'est l'interaction forte, de ce qu'est cette glu atomique. Et donc, il publie... Gabriello Veneziano publie un article à partir de cette découverte-là et il devient célèbre dans le monde entier, dans le milieu de la science, pour avoir finalement découvert qu'une vieille équation correspondait à un phénomène tout à fait actuel. Et à partir de là, un jeune physicien américain qui s'appelle Leonard Susskind est fasciné par cette équation-là. C'est-à-dire qu'il est dans sa fac, hein, il suit ses cours de physique et puis il voit l'équation sur le tableau noir et là il sent qu'il y a quelque chose d'énorme, il est fasciné par cette équation. Donc il rentre chez lui, il la triture dans tous les sens, il reste 2 mois dans son grenier à l'étudier, comme un malade, il sent qu'il peut en tirer quelque chose. Et là il découvre, après vraiment l'avoir tordue dans tous les sens cette équation-là, il découvre qu'elle décrit notamment une particule dotée d'une structure en forme de corde qui vibre. Il se dit, mais au milieu de cette équation-là, il y a comme une structure, voilà, en forme de corde qui vibrerait. Et donc là, la théorie des cordes naît officiellement. Alors, le Leonard Susskind, il se dit, mais c'est fabuleux, c'est la gloire, je vais devenir le nouvel Einstein, voire le nouveau Newton. Alors, il envoie son article à un comité d'experts. Il est convaincu, donc qu'on va le considérer directement comme le nouvel Einstein, parce que avant de publier des articles scientifiques dans des grands magazines de référence, dans des grands journaux comme Nature, voilà, il faut d'abord passer par un comité d'experts qui va analyser la théorie sous toutes ses coutures. Oui, qui vérifie que c'est pas de la supercherie. Voilà, mais le problème, c'est que parfois il y a comme des dogmes en science qui ne sont pas sans rappeler les dogmes religieux parfois. Et si une théorie ne cadre pas exactement avec les dogmes en place, il se peut qu'elle soit traitée par-dessus la jambes, voire dénigrées par les comités donc d'experts. Et là, c'est ce qui se passe, puisqu'on lui répond que son travail est médiocre, hein, que ça ne mérite absolument pas de publication. Donc là, Leonard Susskind raconte lui-même quand il a reçu cette lettre, bon, il était déprimé et il est directement allé se bourrer la gueule pour oublier ça, puisque donc, pour lui, il avait vraiment découvert quelque chose de fondamental, une des clés de la réalité, et donc on lui répond que non, c'est juste médiocre et que ça mérite même pas une publication. Donc, je vous expliquerai pourquoi, hein, pourquoi le comité a rejeté ça, parce qu'il y avait un dogme en place. Mais ça, je vous l'expliquerai donc juste après le premier morceau qu'on va passer, première pause musicale. Ce morceau, justement, puisqu'on parle de théorie des cordes, il démarre par des cordes qui s'accordent. Donc je dis que ça ne pourrait pas tomber mieux. Hein, c'est une version live d'un morceau qui s'appelle Humming de Portishead. Donc Portishead en live. On s'écoute ça tout de suite, c'est parti. Exocète, le bizarre, l'inclassable, le décalé, sauvage. Toujours dans Exocet, si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle que ce soir, c'est la théorie du tout partie 2. Hein, et en première partie d'émission, j'expliquais donc, je résumais l'émission de la semaine dernière, où on apprenait que les scientifiques aujourd'hui cherchent la grande clé de l'univers, la grande théorie qui explique tout, mais ils sont divisés en deux parties. D'un côté, les spécialistes de la théorie de la relativité, qui s'occupent de l'infiniment grand, des planètes et de l'espace, et de l'autre, les spécialistes de la mécanique quantique, qui eux donc s'occupe de l'univers à l'échelle atomique, à l'échelle quantique. Voilà. Et les deux n'arrivent pas à se réconcilier. Et donc, la théorie qui permettrait de réunir ces deux visions d'un même monde, ça serait la théorie des cordes. Et donc là, j'expliquais que l'initiateur de cette théorie des cordes, qui s'appelle donc Leonard Susskind, avait envoyé un courrier à un comité d'experts après avoir découvert à travers une équation qu'il y avait une particule dotée d'une structure en forme de corde qui vibre, qui pourrait être donc à la base de la matière. Et on lui avait renvoyé son courrier, son article, en lui disant « Non, c'est médiocre, c'est de la merde. Voilà, ça ne va pas le faire, on ne pourra pas publier ça, c'est nul. » Donc là, évidemment, Leonard Susskind, qui était persuadé d'avoir révolutionné l'univers de la science avec sa théorie, tombe dans la dépression et boit, hein, très clairement, voilà ce qu'il fait. Et alors, pourquoi est-ce que ce comité d'experts a rejeté son article? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, il se trouve que la physique traditionnelle est en train d'adopter l'idée de particules élémentaires en forme de points et non de cordes. Donc l'idée, c'est que les particules qui sont à la base de toute forme de matière, c'est des petits points, des petites boules, et non pas des cordes. Ça, on considère que c'est une idée hérétique, et donc comme dans un dogme religieux, finalement, on écarte tout ce qui ne cadre pas avec l'idée en place. Et alors, de nombreuses expériences de collisions atomiques ont lieu dans des accélérateurs de particules. Alors qu'est-ce qu'un accélérateur de particules? C'est une grande machine dans laquelle on fait se rentrer dedans des atomes. Alors, ça paraît très con comme jeu, mais en réalité, il y a des découvertes fondamentales qui sont nées de ça, et en plus, les installations qui sont prévues à cet effet sont colossal et coûte des fortunes, donc c'est que à l'autre bout, il doit quand même y avoir un intérêt. Et donc, concrètement, voilà comment ça se passe. On met plusieurs atomes dans l'accélérateur, on les fait se rentrer dedans, et là, il y a des petites particules qui jaillissent de ces collisions, imaginez deux bagnoles qui se rentrent dedans, forcément il y a des petits bouts, hein, des petits bouts de carrosserie, des petits bouts de tôle, et ben là c'est pareil, sauf que c'est avec de la matière que ça se passe, et à l'époque, c'est une effervescence, puisque chaque collision fait jaillir des centaines de particules, il y en a dans tous les sens, il y en a de partout, et donc pour s'y retrouver, les physiciens ont essayé de classer ces particules de manière bien distincte. Alors d'un côté, il y a les particules de matière qui sont classées selon leur masse. Alors attention là, ça se complique un petit peu. Alors on a d'abord les leptons qui sont légers, hein, c'est comme les électrons par exemple. Alors l'électron, c'est un lepton, c'est une particule élémentaire légère. Ensuite on a les mésons, qui n'ont rien à voir avec les maisons, hein, où on habite, hein, c'est autre chose. Alors les maisons, c'est des particules élémentaires de masse moyenne. Et ensuite, on a les baryons. Alors ça, c'est un peu, c'est les poids lourds, hein, c'est les particules élémentaires lourdes, comme les protons et les neutrons. Et alors par la suite, on s'est aperçu que ces baryons et ces mésons étaient eux-mêmes composés de particules plus petites, qui sont les quarks. Les quarks sont donc des briques fondamentales des particules élémentaires. Et de l'autre côté, donc ça c'était pour les particules de matière. De l'autre côté, il y a les particules de champ. Et alors ça c'est quand même assez énorme, ça fout le vertige. Les particules de champ, c'est des particules qui permettent de transmettre les forces. C'est-à-dire que pour chaque force, il y a une particule. Alors les photons, par exemple, permettent de transmettre la force électromagnétique. Ensuite, il y a les bosons faibles pour l'interaction faible et les gluons pour l'interaction forte. Alors, si vous vous rappelez de Téléchat, les gluons du trou, le gluon du trou. Vous vous rappelez du gluon, ouais, du trou? Tout à fait, ouais. Ce petit gluon. Il faisait flipper, d'ailleurs. Voilà, mais il se trouve que ça existe, hein. Le gluon, c'est donc la particule qui permet de transmettre la force d'interaction forte qui permet aux protons et aux neutrons d'être collés ensemble. Alors, l'idée, c'est que les forces élémentaires, en fait, c'est juste une affaire de messager. C'est-à-dire que plus des particules échangent ces particules élémentaires-là, comme si par exemple elles se renvoient une balle, plus elles se l'échangent vite et plus elles en échangent beaucoup, plus l'attraction est forte. Mais imaginons, okay, deux particules qui s'échangent donc des photons, qui sont donc à la base de l'électromagnétisme. Mais plus elles s'en échangent et plus ça va vite, plus l'attraction est forte. En gros, pour résumer, on pourrait dire plus il y a de flux entre guillemets entre les deux, plus elles sont voilà, interdépendantes et donc doivent rester groupées, quoi. Et ce flux, il est très concret donc, puisque il est matérialisé par les photons, les bosons, etc. Donc là, c'est la vision un petit peu révolutionnaire de l'affaire, c'est que les forces, c'est aussi de la matière sous la forme de petites particules. Tout ceci aboutit à ce qu'on appelle le modèle standard, donc qui est capable d'expliquer le fonctionnement de trois des forces à l'échelle quantique. Donc c'est une révolution absolument. Et alors excusez-moi, hein, l'espace d'un instant, Thomas, est-ce que tu te sens de meubler un petit peu, de rebondir sur ça, histoire que je signe, parce que j'ai beaucoup de responsabilités. Tout à fait, car tu me parlais en ce moment même du gluon et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que ça peut bien être, un gluon? Et tu venais de l'expliquer, c'est lui qui vit avec Téléchat. Exactement. Voilà, alors attention, pas de confusion. Hein, ne vous mettez pas cette idée de Téléchat en tête. Le gluon, le fameux gluon, donc je le rappelle, ça existe bien, le gluon. Oui, ça existe. C'est la particule qui permet l'interaction. Mais en fait, moi, j'avais même une question à ce moment-là. Je me demandais, est-ce qu'on connaissait déjà son existence à l'époque de Téléchat ou pas? Oui, oui. Parce que tout ça, c'est pas un hasard. Ça se passe dans les années 70. D'accord, ça se passe dans les années 70. Mais donc là, c'était un petit tour d'horizon de ce qu'on appelle en physique le modèle standard, c'est-à-dire le modèle accepté de la mécanique quantique. J'y reviendrai après, hein, si vous avez un petit peu zappé les trucs, j'y reviendrai après parce que c'est quand même assez intéressant, cette petite affaire. Mais alors, le problème de ce modèle standard, parce qu'il faut savoir que les inventeurs du modèle standard reçoivent des prix Nobel les uns après les autres, ça n'arrête pas. Tout à coup, les mecs ont réussi à défricher un pan entier de la réalité avec cette idée que les forces sont aussi des petites particules, des petits bouts de matière. Donc, on leur distribue à tour de bras des prix Nobel. Mais il se trouve que ce modèle standard passe sous silence la force la plus connue, la gravité. Parce qu'elle explique comment les trois autres forces interagissent, électromagnétisme, interaction faible, interaction forte, mais elle passe sous silence la gravité. Mais hop, ça passe quand même. Genre sur un malentendu, ça passe, les scientifiques, d'accord, sont contents, et on fait un petit peu comme si c'était pas très grave. On dit bon, tant pis. Et là, en 73, une poignée de jeunes physiciens rebelles, qui sont pas contents de cette faille, ils disent c'est pas possible, il faut trouver comment la gravité interagit avec tout ça. Une poignée de jeunes physiciens rebelles, donc, étudient encore les équations obscures de la théorie des cordes qui étaient tombées en désuétude, forcément, après la veste que s'était pris le jeune Leonard Susskind, à qui on avait dit « Votre idée, c'est de la merde ». Et donc, parmi ces jeunes physiciens rebelles qui croient en la théorie des cordes, il y a un certain John Schwartz qui s'acharne à résoudre une des bizarreries de la théorie. Cette bizarrerie, c'est qu'il y a une mystérieuse particule sans masse. Voilà. Jamais observée dans la nature. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette particule sans masse, comme si elle n'existait pas? Et donc Schwartz a une intuition. Et il se dit que cette particule est en fait un graviton. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a vu que pour chaque force, il y a une particule. Hein, pour donc l'électromagnétisme, c'est le photon qui transmet cette force. Pour l'interaction forte, c'est le gluon. Et pour l'interaction faible, c'est le boson faible. Et le graviton, qui était censé transmettre la gravité, il n'avait pas été observé. Il restait hypothétique. D'accord. Mais les mecs, ils disent, bon, on va faire comme si c'est pas grave, on va dire qu'il y a des gravitons et on les a pas vus, mais c'est pas grave. Et donc, là, Schwartz a une intuition, et quand par le biais des équations sur la théorie des cordes, il trouve une particule sans masse, il se dit ça doit être le fameux graviton, la particule qui transmet la gravité à l'échelle quantique. Et c'est la pièce qui manque à ce fameux modèle standard, donc. Et alors, ceci implique que les cordes sont 100 milliards de milliards de fois plus petites qu'un atome. C'est ce que Schwarz réalise. Il se dit, si c'est vrai, si cette particule sans masse, c'est un graviton, donc les cordes sont infiniment plus petites que les atomes, mais de sorte à foutre le vertige, comme je l'expliquais la semaine dernière. Pour se faire une idée de la taille d'une corde, il faut élargir un atome à la taille du système solaire, et là, une corde ne serait pas plus grande qu'un arbre. Donc c'est vraiment du petit gabarit, je dirais. Et mais alors, est-ce que ça n'a pas de masse, ou ça n'a pas de masse quantifiable du fait que c'est tellement petit? Enfin, déjà, quand... Donner une masse à un atome, c'est pas simple. Donc j'imagine que le truc, en étant si petit que ça, on n'arrive même pas à la quantifier, mais elle doit avoir quand même... Enfin, je me trompe peut-être, mais elle doit avoir une certaine masse. Quand la même, masse, effectivement, existe. Elle est infinitésimale, mais elle existe. Et ça, ils s'en sont aperçus après, bien évidemment. Et donc, le problème de la théorie des cordes, c'est qu'elle contient beaucoup d'anomalies. Beaucoup, beaucoup d'anomalies. Et ça, c'est le genre de truc qui infirme tout de suite une théorie scientifique. Ouais. Voilà. Et alors du coup, Schwarz et un de ses collègues, Michael Green, bataillent pendant 5 ans pour résoudre ces anomalies, parce qu'ils croient dur comme fer à leur théorie que tout le monde rejette, parce qu'on leur dit « Ah mais c'est bourré d'anomalies les gars, genre à un moment donné vous trouvez x égale 2 et puis là x égale 1, c'est pas possible, c'est partez, rentrez chez vous. » Et là donc Schwarz et Michael Green sont sûrs de leur coup, et pendant 5 ans ils bataillent pour résoudre toutes ces petites anomalies qui pourrissent leur belle théorie des cordes. Et donc, un soir de l'été 1984, ils touchent au but. Alors qu'un violent orage éclate à l'extérieur. Et d'ailleurs, Michael Green dira quand on a trouvé la solution, moi j'ai dit ça, on doit être près du but puisque les dieux eux-mêmes veulent nous empêcher de finir cette équation puisque ça pète dehors. L'orage éclatait. Et donc là, il réalise le rêve d'Einstein qui était donc d'unifier les différentes forces au sein d'une même théorie. Là, tout à coup, ils ont une théorie qui permet d'unifier à la fois la gravité et les trois autres forces qui fonctionne à l'échelle quantique. Donc c'est fabuleux, c'est la fête, et là, la théorie des cordes explose totalement. Alors là, ça devient la théorie du tout, ils deviennent immédiatement célèbres, il y a des centaines de scientifiques qui se convertissent à cette nouvelle manière de voir les choses et qui étudient ça. On les voit de partout dans les journaux, la théorie du tout, etc. Le monde serait-il fait de cordes, blabla. Et elle semble capable, cette théorie, donc de décrire tous les éléments constitutifs de la nature. Et alors, pour bien comprendre l'idée de la théorie des cordes, on va partir de, je sais pas, d'un grain de sable. Prenons un petit grain de sable. Alors ce grain de sable, il est composé bien évidemment de milliards d'atomes. Jusque là, ça va. Chaque atome est à son tour composé de petites bribes de matière, qui sont les électrons, qui tournent autour d'un noyau composé de protons et de neutrons. Ils sont eux-mêmes composés de bribes de matière encore plus petites, appelées les quarks. Donc là, on arrive vraiment à l'infiniment petit. Et la théorie des cordes, elle, va plus loin que ça, puisqu'elle dit que ces particules élémentaires-là, donc les quarks, sont faites d'éléments encore plus petits, mais infiniment plus petits, des brins d'énergie vibrants qui ressemblent à des cordes. Et l'idée fondamentale, c'est que les différentes vibrations des cordes donnent aux particules leurs caractéristiques. Tout comme les différentes vibrations d'un violon vont donner des notes différentes, les vibrations des cordes vont donner quelque chose de différent. Et alors cette idée donc de grande symphonie cosmique résout le conflit entre l'image imprévisible de l'espace quantique et chaotique et le modèle lisse de l'espace à grande échelle. Donc tout à coup c'est merveilleux, on unifie tout ça. Mais avant de parler des quelques petites couilles dans le potage, hein, puisqu'il y en a, on va marquer une deuxième pause musicale. Le morceau c'est du Anathema, Looking Outside Inside, restez sur Rage. Exocète, le bizarre, l'inclassable, le décalé, sur Rage. En tant que présentateur de cette émission, j'estime que j'ai le droit de me taper sur les cuisses pendant le générique et je revendique ce droit. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est toujours Exocète, sur Rage, et on parle de la grande théorie du tout, la clé de l'univers. Et donc pour résumer, ce que la théorie apporte finalement, c'est qu'elle calme les fameuses saccades de l'infiniment petit. Puisque dans la mécanique quantique, à l'échelle des atomes, à l'échelle des particules élémentaires, c'est un vaste bordel, ça grouille dans tous les sens. Et donc la théorie des cordes apaise tout ce petit monde et transforme un petit peu, donc pour le dire très grossièrement, le chaos. Je sais pas, t'as avoué, oui, j'avais envie de le dire comme ça, le chaos en ordre. Voilà. Et la faille de la théorie, parce qu'il y en a une, il y en a même plusieurs, mais la faille principale quand même, c'est qu'aucune expérience ne peut vérifier ce qui se passe à une échelle pareille. Puisque donc, c'est infiniment petit, les cordes, comme on l'a vu, c'est vraiment très très très très petit, bien plus petit, des milliards de fois plus petit qu'un atome. Donc on ne peut pas infirmer cette théorie, on ne peut pas la contredire, vu qu'on ne peut pas tester expérimentalement l'existence des cordes. Donc ça devient quasiment une philosophie. Hein, y a des scientifiques qui disent « Oui, mais alors attendez, en science, on parle d'objets tangibles et concrets. Donc là, si on ne peut pas prouver que ça n'existe pas, alors à ce moment-là, ça devient quasiment une philosophie. Comme un dieu, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas, voilà. » Alors, ce qui la rend encore plus difficile à prouver en plus de ça, c'est que pour marcher, il faut accepter des éléments qui relèvent de la science-fiction pure et simple, comme les dimensions spatiales supplémentaires. Et cette idée est en réalité vieille d'un siècle. Parce qu'en 1919, il y a un mathématicien qui s'appelait Théodore Kaluza, qui était peu connu, qui était même inconnu. Mais ce mathématicien est resté dans l'histoire de la science, puisqu'il aimait l'idée que l'univers contient peut-être une ou plusieurs dimensions supplémentaires en plus de celles qu'on voit. Donc nous, on a quatre dimensions. On a la profondeur, la largeur, la hauteur et le temps, qui est donc la quatrième dimension de l'espace finalement, puisque l'espace et le temps sont liés. Et ce Théodore Kaluza dit peut-être qu'il y en a des cachés qu'on ne voit pas. Il envoie son idée à Einstein, et Einstein est séduit par l'idée. Il publie, puisqu'à l'époque c'était Einstein qui faisait figure d'autorité, de comité d'experts à lui tout seul. Et donc il décide de publier l'article de Kaluza. Et les dimensions cachées donc seraient microscopiques, repliées sur elles-mêmes. Et on peut se demander donc comment est-ce que ces dimensions pourraient avoir un effet sur notre vie, puisque donc elles sont infiniment petites et recourbées à l'intérieur d'elles-mêmes, recroquevillées. Et en fait, la forme de ces dimensions est essentielle, puisque par exemple, comme les notes d'un instrument avant changent selon la forme qu'il y a à l'intérieur, hein, puisque bon, quand on appuie sur les pistons, je ne sais pas, d'un cor ou d'un saxophone, la forme à l'intérieur de l'instrument change. Hein, l'espace est modifié. Oui, non, mais même au niveau des violons, c'est pour ça que les Stradivarius, par exemple, sont spécialement réputés, parce qu'ils ont une forme spéciale qui leur donne ce son spécifique. Oui. Mais c'est encore plus vrai dans le cas d'un instrument avant. D'accord. Parce que quand on appuie sur un piston, la forme à l'intérieur, l'espace à l'intérieur de l'instrument avant se modifie, et c'est cette modification qui provoque une note différente. Et voilà. Et donc les dimensions supplémentaires fonctionneraient de la même manière, hein, puisqu'elles influenceraient la façon dont les cordes bougent et vibrent directement. Alors, il faut savoir que l'univers est comme une machine réglée très précisément, et que les scientifiques ont découvert qu'il y a environ 20 nombres qui ne bougent pas, 20 nombres dans la nature gravés, 20 constantes en fait, qui donnent à l'univers les caractéristiques qu'on lui connaît. Par exemple, la masse de l'électron, qui est toujours la même, qui ne bouge pas, l'intensité de la gravité, la force électromagnétique, l'interaction forte et faible, tout ça, ça fait partie de ces 20 nombres qui ne changent pas, de ces constantes. Et tant que la machine de l'univers est réglée sur ces 20 nombres-là, elle produit l'univers, elle produit de la réalité. Mais si on s'amuse à changer ces nombres, même de façon minime, tout à coup, c'est le bordel, puisque les conséquences sont spectaculaires. Par exemple, si on augmente juste un peu la force électromagnétique, les atomes se repoussent plus fortement et les étoiles s'éteignent directement. Hein, imaginez que vous ayez accès à la machine de la réalité, vous touchez d'un quart de poil, imagine le technicien maladroit qui dit « Ah merde, j'ai touché le bouton des électrons !» Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, les étoiles s'éteignent. C'est quand même une belle connerie, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et donc, qu'est-ce qui règle ces constantes aussi précisément? Eh bien, la réponse pourrait résider dans les fameuses dimensions supplémentaires de la théorie des cordes. Elles feraient vibrer les cordes juste comme il faut pour produire un photon ou un électron. Effectivement, si la corde vibre comme ça, eh bien, ça fait une certaine note, c'est-à-dire, ça devient un photon. Et si la corde, elle vibre comme ça, eh bien, ça fait un électron. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est très résumé, mais c'est l'idée. Et au milieu des années 80, donc, la théorie des cordes a un très, très, très gros succès. Hein. C'est la théorie, c'est la théorie absolue. Et en coulisses, il y a quand même une confusion. Puisque, au fil des années, les théoriciens ont bâti non pas une, mais cinq théories des cordes différentes et distinctes. Et certaines parlent de cordes ouvertes, donc, comme des petits fils. Et d'autres parlent de cordes fermées, donc comme des cercles, finalement, comme des élastiques. Mmh. Et deux d'entre elles, deux de ces théories, prévoient 26 dimensions. Voilà, donc il y a quand même de quoi foutre le vertige. Voilà, ouais. Et de quoi saigner du nez. Mmh. Et laquelle donc décrit notre univers, ça c'est la question. Et en 1995, un certain Edward Witten réunit les cinq théories en une seule. Alors il faut savoir que ce Witten, il est considéré finalement comme le nouvel Einstein. Toute la communauté scientifique le vénère, c'est le génie, et le mec est d'une simplicité, c'est la marque d'ailleurs des grands génies. Il est tout, tout simple, tout discret ce mec-là. Et donc en 1995, il propose sa théorie, la théorie M. Donc encore une nouvelle théorie. Et la théorie M, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la théorie qui unifie les 5 théories des cordes. Donc on a encore une unification au sein de la grande théorie qui est censée tout unifier. Et quand... ça me fait penser à un mauvais genou. Non. Bien. Et donc quand Witten trouve sa théorie M, alors oui, il y en a beaucoup qui se posent la question, qui disent mais alors ce M, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors M, c'est pour mystère. C'est pour matrice. C'est... Et il y en a qui disent que c'est juste un W, le W de Witten à l'envers. Voilà. Donc il y a pas mal de mystères autour du nom même de la théorie. Et cette théorie M, elle prévoit, elle, 11 dimensions. Donc voilà où on en est pour l'instant. Si la théorie est exacte, on vivrait dans un univers à 11 dimensions. Et la découverte de Witten introduit autre chose. Elle introduit une nouvelle idée, en plus des cordes, l'idée des membranes. Alors, il y a certaines cordes, donc, qui, donc voilà, il n'y a plus seulement des cordes dans le truc, il y a aussi des membranes maintenant. Mm-hmm. Et ces membranes, il faut imaginer des cordes donc, qui s'étirent un petit peu. Imaginez, vous prenez de la pâte à pizza, hein, vous avez un petit bâton comme ça, un petit verre. Tu sais, tu roules le truc comme ça, ça fait un petit verre, une petite merde comme ça, un petit fil. Ouais. Et puis tu l'étales, et puis ça fait une forme de pizza. Ben, c'est la même idée là. Vous obtenez une membrane. Et donc, ces membranes-là, si elles disposent de suffisamment d'énergie, elles peuvent devenir gigantesques. Et pourquoi pas s'étendre à la taille d'un univers. Là, c'est vraiment énormissime. Et c'est une révolution, donc vraiment dans l'histoire de la physique. Là, tout à coup, on a une nouvelle manière encore de voir les choses. Et donc, notre univers pourrait... notre univers pourrait se trouver sur une membrane, dans un espace de dimension supérieure. Truc de ouf. Mais attention, c'est comme si on était à l'intérieur d'une miche de pain, du bon pain, et que chaque tranche était un univers. C'est là où je voulais en venir. Donc ça veut dire qu'il y aurait, si on est sur une membrane, c'est-à-dire qu'il y a des univers qui sont sur d'autres membranes, donc il y aurait d'autres univers. On introduit l'idée d'univers parallèle. Donc imaginez une bonne grosse miche de pain, vous coupez une petite tranche fine à l'intérieur, c'est notre univers, mais on est compris à l'intérieur d'un espace plus vaste, la miche en question, et dans cette miche, on a des univers voisins. Donc ça, c'est l'idée... qui marche actuellement, donc. Et certains théoriciens des cordes ont suggéré que l'univers n'est pas né avec le Big Bang, puisque tout à l'heure, on disait qu'on n'est pas arrivé à remonter plus loin, on ne sait pas ce qu'il y a avant. Et il y a certains donc, théoriciens de la théorie des cordes qui se disent qu'avant le Big Bang, eh ben, y avait autre chose, y avait déjà de l'univers, voire peut-être que l'univers a toujours été là, et que l'explosion, en fait, du Big Bang était due à la collision de deux membranes. Et alors là, donc tout à coup, hop, hein, ça ouvre des perspectives inouïes. Donc ils avancent que le Big Bang a très bien pu arriver des milliards de fois. Donc effectivement, imaginons qu'on vive sur une membrane, le Big Bang serait l'effet de la collision avec une autre membrane, et peut-être qu'à l'instant, il y a une membrane qui nous fonce droit dessus, et on aura droit à un nouveau Big Bang. Et dans comme le futur, la tectonique des plaques, quoi, mais voilà. Au niveau de l'espace. Au niveau cosmique, exactement, superbe métaphore. Je préférais celle des miches, quand même. moi aussi, je l'aime bien, celle-là. Et donc, voilà où on en est, c'est quand même assez miraculeux. Et cette idée de membrane, c'est vraiment fou, puisque c'est comme si, par exemple, on avait des couches d'univers superposées, et que dans une de ces 11 dimensions inimaginables pour l'esprit, on pouvait, par exemple, se retrouver en face... d'un autre univers. C'est comme si là, par exemple, en tendant le bras, je touche un univers voisin qui serait comme une couche. Et peut-être que dans ces autres univers-là, il y a des lois totalement différentes. Peut-être qu'il y a des êtres intelligents et peut-être qu'on peut communiquer avec ces êtres-là. Enfin voilà. Mais ce qui est impressionnant, c'est que je me trompe peut-être, je ne sais pas, mais ça pourrait très bien, par exemple, expliquer les trous de ver, là, ce que les scientifiques appellent les trous de ver, qui permettraient de voyager plus rapidement dans l'espace. Ça se trouve, c'est comme dans la tranche de pain, il y a des petits trous. Du haut bulle d'air, un trou de ver, ça serait ça, et paf, ça nous ferait tomber dans une dimension en dessous. C'est lié à l'idée de trou de ver, absolument, puisqu'on peut imaginer qu'il peut y avoir des raccourcis. S'il y a une masse qui tout perce à fait, ben le tissu de l'espace, eh ben on pourrait imaginer qu'on se débouche sur une autre et quelque dimension. Part, même le fait que les astres, les gros corps de masse importante puissent déformer comme une surface plane l'espace, ça pourrait s'expliquer par le fait aussi que justement c'est plus qu'une membrane, donc forcément elle se déforme d'elle-même. Voilà, absolument. On trouve ça deux dimensions, je dirais. Et j'ai une question. Pose donc. Ma petite question. Je voulais savoir, donc, si on a plusieurs univers, ils seraient parallèles ou ils pourraient être successifs? Ça pourrait être les deux. Dans tous les sens? Ouais. C'est soit parallèle, soit en bordel. Non, mais temporellement aussi. Donc, est-ce que c'est plusieurs univers Un seul temps pour tous les univers? Ouais, voilà. Ou alors vraiment le bordel complet? Alors, l'idée, c'est qu'a priori, les univers seraient parallèle, oui, comme dans une miche de pain, donc, mais ça n'exclut pas la possibilité que donc ces membranes soient posées en désordre dans tous les sens, avec des temps distincts. Genre, il y aurait un univers, le nôtre, avec un temps bien précis, qui part à un moment donné, qui s'arrêtera, et puis un univers qui, lui, existe depuis 100 milliards d'années, enfin, on peut tout imaginer. Et ce qui est fabuleux, c'est que cette théorie-là, la théorie des cordes, elle ouvre des perspectives qui vont beaucoup plus loin que la plupart des œuvres de science-fiction, et qu'il n'est jamais arrivé dans l'histoire de la science qu'une théorie qui implique autant d'éléments logiques et avérés se retrouve complètement infirmée. C'est-à-dire que là, il y a tellement d'éléments logiques qu'il y a forcément des trucs bons. Ça, c'est clair et net. Tous les scientifiques en sont certains. Alors, ça veut dire donc que par conséquent, l'idée des univers parallèles, etc., n'est pas certaine, mais qu'elle est fort possible. Et donc, on saura dans les années à venir si effectivement ça existe ou pas. Et notamment, grâce à un accélérateur de particules, donc qui se trouve pas loin de Genève. Et alors là, accrochez-vous, parce que là, ça fout le vertige. Donc, rappelez-vous de la gravité. La gravité, donc, on l'a vu tout à l'heure, serait l'effet de gravitons, des petites particules qui transmettraient cette gravité. Mais il se trouve que la gravité est infiniment plus faible, des milliards et des milliards de fois plus faible que les autres forces, que l'électromagnétisme, que l'interaction forte. Elle est beaucoup plus faible. À tel point que les scientifiques se sont demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que cette force, donc, qui gère quand même le balai des planètes, pourquoi est-ce qu'elle est si faible? Et alors, l'hypothèse qui a été lancée, c'est que les fameux petits gravitons qu'on n'est jamais arrivé à voir, peut-être qu'ils auraient la faculté de traverser les membranes et de passer dans des univers parallèles. Ce qui fait que la majeure partie de la force s'évaporerait dans les dimensions. Et alors, pour se représenter cette idée, imaginez une table de billard. Donc, les boules, ça serait les planètes. Voilà, les astres, etc. Quand on joue, les boules restent sur le même plan, sur la table, qui serait donc comme une membrane. Mais il y a quelque chose qui se propage, c'est les ondes sonores. Ouais. Quand les boules s'entrechoquent, les ondes sonores, elles se propagent de partout. Au-dessus de la table, à l'extérieur, etc. Et bien, il en irait de même pour les fameux gravitons. Ils sortiraient littéralement de cette membrane, de notre membrane d'univers. Et ça paraît très fantaisiste, tout ça, ça paraît complètement surréaliste et absurde, et puis ça semble tout droit sortir d'un bouquin de science-fiction, mais il se trouve que l'accélérateur de particules qui va être construit près de Genève, qui est quasiment achevé là, c'est un des édifices les plus importants jamais conçus, ça coûte une fortune, et donc l'idée c'est quand même de prouver ça. Donc c'est quand même pas exactement n'importe quoi, les mecs sont quand même assez persuadés qu'on va trouver la clé de l'univers là-dedans, et ils vont encore se faire percuter des particules, en espérant pouvoir choper, lors d'une collision, un petit graviton qui s'échapperait juste avant qu'il parte dans une autre dimension. Donc ça c'est l'idée. Mais si les gravitons sont donc sur plusieurs dimensions, ça veut dire qu'on subit l'attraction d'autres dimensions aussi? Eh ben c'est peut-être. C'est théoriquement oui. Théoriquement, voilà, en tout cas, enfin, il me semble. Voilà l'idée. Enfin, la gravité, donc, se disperserait à travers les dimensions. Donc là, on verra, par le biais de l'expérience, dans les accélérateurs de particules géants qui sont construits actuellement, l'accélérateur de particules construit actuellement en Suisse, on verra donc si ça s'avère vrai, si on réussit à capturer un graviton, mais si on réussit à le faire, alors là, ça sera la révolution ultime. Parce que maintenant, je flippe. Et oui, mais la théorie des cordes là sera quasiment prouvée, puisque c'est le dernier élément qui nous manque, ce graviton. Donc voilà, on verra ça. Si jamais ça arrive, de toute façon, je vous le dirai. Hein, c'est, que ce soit bien clair entre nous. Je pense qu'on sera au courant. Ouais. Voilà, c'en est fini de la théorie du tout. Hein. J'espère que ça n'a pas été trop confus, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à assimiler dans cette affaire. Moi, personnellement, en préparant les deux émissions, j'ai appris des choses et j'en ai organisé d'autres que je connaissais, mais de manière parcellaire, je dirais. Puis là, tout à coup, c'est devenu un peu plus concret. J'espère que c'est pareil pour vous. Avant que Thomas nous propose ses excellentes infos insolites, on va marquer une petite pause musicale avec du Dredge et le morceau c'est Same Old Road. Exocet, le bizarre, l'inclassable, le décalé, sur Rage. Toujours dans Exocet sur Rage, on attaque la dernière ligne droite et donc c'est Thomas qui va nous présenter les infos insolites qu'il a chopées cette semaine sur le globe. À toi Thomas. Alors cette semaine, il y a du bon, il y a du lourd. On va commencer par un petit séjour en Allemagne où la police va surveiller donc toutes les ambassades et tous les lieux publics désormais depuis des cabines téléphoniques. Alors vous allez me dire pourquoi, quel intérêt? Eh ben c'est tout simplement que la police berlinoise n'a pas les moyens d'acheter des guérites. Et comme il flotte tout le temps là-bas, et que le portable a remplacé les cabines téléphoniques, eh ben, la police a réussi à racheter à Deutsche Telekom, qui est le France Telekom allemand, oui, une quinzaine de cabines téléphoniques, qui sont bien situés, donc bien devant les ambassades et tout ça, pour les transformer en guérite. Et pour la modique somme de 750 euros, je trouve que c'est une bonne affaire. Toutes les cabines pour 750 euros. Toutes les cabines, 750 euros, bonne affaire, quoi. Ah oui, pas mal. Et parce que je pense qu'ils doivent plus du tout s'en servir. Ouais. À mon avis, enfin, je vois que ça comme explication. Il faut avoir l'intérêt d'une guérite en même temps, sinon c'est vrai que ça fait pas cher. Il faut avoir l'intérêt d'une guérite. Oui. C'est vrai que du côté de Marseille, par exemple, on en a moins besoin. Mais voilà. En Allemagne, nos braves policiers allemands maintenant pourront être protégés à l'abri dans leur cabine téléphonique. Alors pour l'occasion, en plus, elles ont été repeintes en verte. Histoire de marquer le coup, hein, que ça ressemble plus trop à une cabine téléphonique. Mais donc, c'est voilà. Donc... Personne ne sera dupe, hein. Les gens verront que c'est des cabines peintes en vert quand même. Quand même pas sous-estimer les Allemands comme ça. Hein. Mais je pense aussi que ça va se savoir. Mais il fallait marquer le coup quand même, voilà. C'est vrai. Donc, ils ont repeint les cabines. Classe. On continue avec une petite histoire qui se passe aux États-Unis où un enfant a été accusé de harcèlement sexuel. Oh. Sur une de ses petites camarades de classe. Alors en fait, cet enfant, il a 6 ans. Moi. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il a fait pour être accusé d'harcèlement sexuel? Je vous donne un indice, il a glissé 2 doigts. Mais où? Ah non, tu peux pas. Mais où? Dans la bouche? Non. Dans l'oreille? Non. C'est même moins sale que ça, il a glissé 2 doigts dans la ceinture de sa camarade. Oh là là. Et il s'est fait donc renvoyer de l'école, les parents de la petite fille ont porté plainte, et il a été condamné pour harcèlement sexuel à 6 ans. Ça se passe où, ça? Et aux États-Unis, hein. Oh, ils sont barges, putain, comme s'il y avait une malice derrière ce geste, quoi, comme s'il y avait du vice derrière ça. Voilà, alors que c'est un geste de petit garçon, on va dire. Enfin bon, bref, on va pas refaire le monde, mais donc voilà, accusé d'harcèlement à 6 ans, ça fait bien. Ça, tu vois, après pour trouver un boulot, à 6 ans, j'avais déjà un casier, harcèlement sexuel, putain, merci. Heureusement qu'il l'a pas mis dans le cul, parce que je pense qu'il exécutait directement le gamin. A été condamné à mort, c'était fini. Toujours aux États-Unis, là cette fois-ci du côté de la Floride, des douaniers, donc en faisant leur boulot de douanier, hein, donc en ouvrant les bagages, sont tombés sur un bagage qui contenait des ossements humains, plus précisément un crâne. Ils ont retrouvé la propriétaire donc du sac, qui ne sait absolument pas d'où vient ce crâne. Hein. Alors c'est pas une tête coupée, hein, c'est vraiment un crâne donc vieux, etc. Il y a plus de chair ni quoi que ce soit, donc c'est des ossements. Qui ne date pas, c'est pas un homme préhistorique ni quoi que ce soit, donc on ne sait pas d'où sort ce crâne, ni pourquoi est-ce qu'il était dans le truc. La femme ne sait pas comment ça s'est retrouvé dans sa valise. Alors à mon avis, elle doit quand même être au courant d'un minimum de trucs. Il en est, enfin, toujours est-il qu'elle a été relâchée, donc à mon avis, c'est que les soupçons la concernant sont tombés. Et donc là, pour l'instant, une enquête a été ouverte, ils ne savent pas d'où provient ce crâne qui est apparu, on va dire, entre guillemets, mystérieusement dans la valise, même si forcément quelqu'un l'a mis là. Valise d'une femme. Voilà. Qui prenait l'avion. L'avion, tout simplement. Ah ouais. Et voilà, alors quel est l'intérêt de lui foutre un crâne dans la valise? Foutre le bordel et passer dans l'exocet. Voilà. Les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, mais ça c'est à cause du rage.fr. Moi ouais, j'avais dit l'ouvrez pas les gars, maintenant aux States ils vont faire les trucs de dingue pour rage.fr partout dans le monde, le forum exocet, laissez des messages. Et ailleurs aussi si vous voulez. Bon, plus près de chez nous en France, une petite anecdote bien rigolote. Alors elle serait limite, enfin, si le mec en était mort, elle serait dans les Darwin Awards, c'est clair. C'est un agent de la SNCF donc qui un soir s'est baladé sur les quais d'une gare, alors la ville n'était pas précisée, quand il a découvert un sac mystérieux abandonné, donc en plus en ce moment avec les plans Vigipirate et tout ça, c'est un peu le flip, donc forcément tout de suite ils ont pris le sac, ils l'ont ouvert. Il y avait un crâne. Non, il y avait le reste du corps. Non, c'est pas ça. Ils ont trouvé dedans 3 kilos de cannabis, donc bonne pioche quand même. Oui. Bonne enfin, pioche bon. Pour les douaniers, je veux ah, dire. Ah voilà, oui, oui. Non, mais attends, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Patrick, s'il te plaît. Oh, tu l'as dit tout seul, hein. Je ne m'ai pas poussé, là. Et donc, comble quand même de malchance ou plutôt de bêtises, je dirais, pour le fraudeur, c'est qu'il avait laissé sa carte d'identité dans le sac. Ah, le con. Du coup, les flics ont débarqué direct chez lui. Ils ont fait tomber avec ça tout un réseau qui avait réussi à écluser pendant plusieurs mois plus de 15 kilos de cannabis, des sachets d'ecstasy, de la cocaïne, etc. à tout va. Donc ils ont fait tomber tout le réseau grâce à la connerie d'un passeur en fait qui avait fait ça apparemment pour sa conso personnelle, si j'ai bien compris. Et en fait, s'il a abandonné le sac, c'est parce que en attendant le train, il a commencé à avoir une grande montée de paranoïa et il a commencé à flipper d'un contrôle. Du coup, il s'est dit je me débarrasse du truc, ni vu ni connu, mais comme un con, il a oublié ses papiers d'identité à l'intérieur. C'est ballot. C'est un peu ballot. Rejoue avec nous. Voilà, un petit peu. Enfin, là, il va mettre du temps à revenir parce qu'il a pris, je crois, pour 6 ans, donc ça l'a calmé. Hein. Vite. Ça va le calmer un petit peu. Une autre anecdote qui se passe en Europe, Allemagne, où la police a chopé un camionneur, enfin, a chopé, elle a réveillé un camionneur qui attendait en fait sur le parking d'une entreprise l'ouverture de l'entreprise pour pouvoir livrer son truc. Et donc en fait, comme c'était super tôt le matin, etc., ils se sont demandé ce qu'ils foutaient là, donc ils sont allés voir. Et il faut savoir que donc sur les camions, pour ceux qui savent pas, il y a des petits disques qui enregistrent le temps de parcours pour savoir en fait si en matière de temps de travail, etc., les règles sociales sont respectées et si on n'exploite pas les mecs, s'ils roulent pas trop, etc., s'ils respectent aussi certaines normes de sécurité puisqu'il y a un temps limite à passer sur la route, etc. Et donc en fait ils ont inspecté le dit disque et ils se sont aperçus que le mec, avant de s'endormir, il avait fait cumuler 44 heures d'autoroute. Sans donc il a roulé 44 heures non-stop avec un poids lourd. Oh putain. Sur les autoroutes allemandes, donc on comprend que le mec soit vanné à l'arrivée, hein, ouais. Ça c'est clair. Et donc gros salut, puisque bon, ben c'est quasiment, enfin déjà ils ont galéré apparemment comme des oufs pour le réveiller, parce que le mec était sur le volant, vraiment impossible à bouger. Et enfin c'est même physiquement quasiment impossible, ah parce oui, que 44 heures ouais. sans s'endormir, c'est limite un record. C'est net. Et en conduisant surtout, quand on voit déjà quand on passe quelques heures, on commence à piquer du nez. Lui au bout de 44 heures, il devait commencer sympa sur la d'ailleurs, route. D'ailleurs, vous connaissez le record du nombre de jours de veille sans dormir, donc. C'est dans le livre des records. Vous connaissez le nombre de jours ? Dans le cas d'une expérience américaine, je dirais, allez, grand max, une semaine. Et bien donc, voilà, dans le cadre d'une expérience américaine, un jeune étudiant qui s'est porté volontaire, et il a tenu 11 jours sans dormir. Mais c'est un zombie. C'est le record absolu, hein. Parce que c'est vrai qu'à partir de 4-5 jours déjà, tu deviens un légume. Déjà, 11 jours, c'était le max. Déjà, enfin, tout le monde s'est au moins déjà fait une nuit blanche dans sa vie. Quand on voit le lendemain de nuit blanche, déjà, c'est chaud. C'est chaud. Et bien voilà. 11 jours, il devait être en forme. Ah, il était mort debout. Bon, on part maintenant pour le Chili. Où une petite fille chilienne de 15 ans a reçu un coup de téléphone en plein cours. Devant ses camarades et tout ça, sur son téléphone mobile. Donc elle a décroché. Et en fait, c'était tout simplement la fédération de ski chilienne qui l'appelait pour lui dire qu'elle devait partir pour les JO parce qu'elle avait été sélectionnée dans l'équipe. Alors ça va être la plus jeune skieuse. Donc on va la voir là quand les jeux vont commencer. Elle a 15 ans. Ça va être la plus jeune skieuse de la compétition, hein, de tous les JO. Et donc elle a été prévenue, mais genre 24 heures ou un truc comme ça à l'avance, parce qu'ils savaient pas sur qui faire porter le choix. Ouais. Et du coup, ils l'ont prévenue en plein cours. Alors je sais pas si vous imaginez la classe. Genre tu raccroches, tu fais excusez-moi monsieur, faut que je sorte de cours. Là je pars pour Turin, j'ai les JO à faire, je reviens. Si quelqu'un peut me prendre les cours, me les photocopier, c'est sympa. Enfin bref, comment elle a dû se la péter. Mais en même temps, il doit y avoir des montagnes au Chili, non ? Parce que ça sonne un petit peu comme Rasta Rocket, finalement, la skieuse chilienne, bobsleigh jamaïcain. Attends, en parlant de Rasta Rocket, là, il y a un des compétiteurs qui est un pur Rasta. Je sais pas si tu l'as vu, qui va participer au JO, ouais. Pareil. Qui fait quoi ? Ouais. Il fait du ski. Alors je sais plus quelle discipline. Je me rappelle plus, mais je sais qu'il est donc président de sa fédération. Il est le seul athlète. Il est président, trésorier, voilà, athlète. Voilà, il fait tout. Il va porter le drapeau, il va skier, il va tout faire, quoi. Putain, mais c'est énorme, c'est énorme. Et il a un trop pur style. Hein. Franchement, c'est énorme. Alors je crois en plus qu'il fait du ski alpin, il me semble. Hein. Ouais, c'est soit ski alpin, soit ski de fond. Et voilà, donc. Mais il y a toujours comme ça. Quoi. Et je me rappelle d'une année, moi, un skieur africain, donc, mais qui savait à peine skier. Et c'était assez laborieux, et tout comme ce nageur africain aussi, il me semble d'ailleurs, qui faisait la natation, qui avait gagné à moitié un truc d'ailleurs. Non, il est arrivé 2 heures avant le dernier, quoi. C'est-à-dire que c'était donc les épreuves de natation, et on avait l'impression qu'il savait pas nager, le mec. Et donc il a mis 2 heures à finir sa longueur, et puis alors, évidemment dans le public, c'était la folie, les gens l'applaudissaient, une ovation pour ce mec qui avait le courage donc d'arriver au bout alors qu'il avait l'air mort, et on avait l'impression que c'était la première fois qu'il foutait les pieds dans l'eau. Donc j'espère que ce sera pas la première fois qu'elle chaussera des skis, la jeune chilienne. Je ne pense pas, non. Voilà. Enfin, j'espère pour elle, mais en tout cas, comme on dit aux Jeux Olympiques, l'important c'est de participer, c'est ça qui est beau. Très joli. Et moi je trouve ça magnifique que tout le monde puisse participer comme ça, c'est avant tout une grande fête. C'est beau, Thomas. Ouais, je sais, c'est mon âme de poète. Enchaînons. Alors, on retourne aux États-Unis, du côté du Texas cette fois-ci, chez les Rednecks, où une femme a réussi à sauver le poulet de la ferme en lui faisant du bouche à bec. Oh yes! Alors en fait, le poulet s'était noyé dans la mare de la ferme, tout simplement, hein, du ranch, comme ils disent là-bas. et donc la fille d'une vingtaine d'années a retrouvé donc l'animal le matin à moitié mort, le bec dans l'eau. et elle lui a sauvé la vie tout simplement, mais en lui faisant du bouche à bouche, enfin du bouche à bec, et elle lui a sauvé la vie comme ça, et le poulet est reparti. Super, bah juste sur après, ses deux pattes. Juste après, elle l'a défoncé, puis l'ont bouffé finalement. C'est ça qui est fort. C'était la veille de Thanksgiving, il fallait pas le perdre. Elle l'a sauvé, puis elle a éclaté. Voilà. Et c'est putain, c'était comme cet épisode inoubliable donc de des Marches de la Gloire, hein, cette émission. Rappelez-vous, pendant les années 90, il y avait eu la Nuit des Héros présentée par Laurent Cabrol. Et les Marches de la Gloire, ouais, présentées par Michel Creton. Et dans les Marches de la Gloire, donc, il y avait eu cet épisode inoubliable de ce hamster sauvé par sa propriétaire avec une paille. Avec une... Alors, c'était une pâte, en fait. Hein. Une mais pâte. Comme oui, un macaroni. Ah, oui. Un macaroni, donc une pâte creuse. Mais je m'en rappelle trop. Et donc, elle lui avait fait du bouche à bouche. Et ce qui était magnifique, c'était la mise en scène, puisqu'on avait un plan subjectif de la vue du hamster, avec de la buée sur la caméra. Et donc, là, elle envoyait la femme qui était là. Allez, Kiki. Donc, c'était sûrement une semaine où il n'y avait eu aucune marque d'héroïsme dans ce pays. Ah, c'est clair. Et donc, on a la femme qui a sauvé le hamster. Et bien maintenant, donc, on aura la femme qui a sauvé le canard, le poulet, avant de le bouffer. Voilà. Mais direct en bouche à bouche, quand même. et puis pour revenir donc sur l'insolite de ce soir et de la journée, l'histoire donc d'un boule terrier qu'on a retrouvé alors dans la version que j'ai dans un tram métro, peu importe, en tout cas dans les transports en commun. Oui, je sais, non, la faute est faite exprès. D'accord. Donc dans le métro, le tram, on s'en fout, c'était dans les transports en commun en tout cas. Et en fait, il s'est fait remarquer parce que ça faisait plusieurs heures qu'il traînait dans le truc. Donc ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de propriétaire, surtout qu'il n'y avait pas de laisse ni quoi que ce soit. Oui. Donc du coup, les flics l'ont fait sortir, ils ont retrouvé le propriétaire qui leur a expliqué tout simplement que son chien adorait prendre les transports en commun et que c'était son grand kiff. Et que quand il se baladait avec, le chien tirait sur la laisse, etc. pour pouvoir rentrer dans le tram et machin, parce que le chien adorait ça. Et donc du coup, bah, dès qu'il attachait pas, le chien se barrait pour essayer de choper le premier bus qui passe ou un truc comme ça. Et donc voilà, donc l'histoire de ce boule terrier. C'est génial. Mais moi je trouve ça génial. Mais où est-ce qu'il veut aller, le boule terrier? Peut-être qu'il veut aller quelque part. S'il le sort à chaque fois, peut-être qu'il arrivera jamais à destination. Ben voilà, surtout qu'en plus il galère pour lire les panneaux. Et ouais, mais en plus il fraude, il avait pas de ticket quand même. Oh, ouais, ça c'est vrai. Non, bah, quand même. Mais ça c'est parce qu'il passe sous le tourniquet aussi, c'est facile pour lui. Ouais. Magnifique, ça. C'est comme ce chien qui fait du skateboard, vidéo mythique de l'internet. Tiens, je la posterai sur le forum rage.fr. Tu t'as déjà vu cette vidéo? Oui, Thomas, j'ai vu ça. Mais je l'ai vu. Alors moi, elle était collée avec une vidéo d'un chien qui fait du vélo. Ah, je l'ai pas vu celle-là par contre. Alors le chien qui fait du vélo, alors je pense qu'il y a trucage hein, par contre. Parce que c'est le chien qui fait du skateboard, non. Skate, c'est pas trucage. Mais le chien qui fait du vélo, j'ai du mal. Ça, c'est vraiment super bien foutu. Alors, on voit vraiment le chien, le cul posé sur la selle, avec les deux pattes qui tiennent le truc. Ouais. Mais je vois mal un chien réussir. Ne serait-ce qu'à synchroniser différemment ses pattes. Mais le skateboard, on voit cette espèce de petit boule terrier. Déjà, il me semble que c'est ça. C'est les chiens avec la gueule écrasée là. Ouais. Et donc il monte sur le skate avec ses deux petites pattes là comme ça, et hop il avance et hop il se remet sur le skate et il prend les virages, et c'est incroyable. Donc j'essaie de poster cette vidéo, voilà. C'est vrai qu'elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Voilà, c'est sur cette note de boule terrier que s'achève Exocet. Merci Thomas, merci Sandrine. Juste après, vous retrouvez les 10 recommandements pour les amateurs de métal et de rock qui tâchent. On se quitte en musique, à la semaine prochaine, bisous.